Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. La question hante depuis des siècles les philosophes. L'homme serait-il naturellement bon ? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, faudrait-il tout d'abord s'intéresser et s'interroger sur ce qu'est un homme naturel ? Justement, l'archéologie, voire la paléoanthropologie, ne serait-elle pas les seules disciplines à pouvoir, sur le sujet, nous livrer la profondeur du temps ? L'altruisme, cette propension désintéressée à se consacrer aux autres, sera au cœur de notre Salon Noir. On sait désormais, via la revue internationale Current Biology, que les enfants de parents athées seraient plus altruistes que ceux élevés dans des familles religieuses. Quoi qu'il en soit, Valérie Delâtre, bonjour. Bonjour. Jeune archéologue de l'INRAP, formée à l'anthropologie et à la fouille de sépultures, votre champ chronologique est très vaste, de l'âge du fer à la période médiévale, voire moderne. Vos sujets, de recherche très précis, découvrir des formes d'altruisme au sein des sociétés passées. Il y a des découvertes qui nous renseignent, qui nous éclairent sur ce que nous sommes. En ce samedi soir, dans ce Salon Noir, seront évoqués la mort et les morts, gestes et pratiques funéraires, indigents, gens de peu, voire sorcières et prostituées. Valérie Delâtre, au plus lointain de nos origines, une découverte près de Nazareth, celle d'un enfant, vieux de 100 000 ans, nous renseignerait sur ce que nous sommes ? Alors oui, bien évidemment, et de façon aussi spectaculaire qu'incontestable, parce qu'il s'agit d'une sépulture d'un enfant donc âgé de plus de 100 000 ans, donc je ne vous annonce pas la naissance de l'enfant Jésus, loin de là. En revanche, cet enfant portait les signes d'une mise en scène de son enterrement, et qui plus est, son front portait une fracture assez grave que les techniques contemporaines d'imagerie médicale ont montré comme étant une atteinte de son cerveau, ce qui fait que cet enfant, préadolescent, devait avoir des symptômes assez graves dans son comportement quotidien, problèmes de marche, des problèmes pour fixer son regard, donc il était considéré comme handicapé selon nos terminologies actuelles, et forcément pris en charge par sa communauté, la communauté qu'il a pris en charge de son vivant et qui lui a accordé un enterrement privilégié. Alors, ce qui est très important, c'est que l'on est à la naissance du symbolisme et que cet enfant a été enterré pas n'importe comment. Alors, effectivement, à partir du moment où l'on enterre ses morts avec une codification, une liturgie, cela veut dire que l'on a une spiritualité et vraisemblablement une croyance en un au-delà. Alors cet au-delà, on ne le connaît pas, mais on connaît les modalités du voyage vers l'au-delà. Et la mise en scène d'offrandes, l'orientation d'un corps, son agencement, sont tous les signes d'une spiritualité qui se met en scène dans la sépulture. La sépulture nous permet d'avoir accès à cette spiritualité que ces gens ne nous ont pas laissée puisqu'ils n'ont pas écrit. Et donc, accorder à quelqu'un de vulnérable, d'infirme, qui avait des difficultés à vivre au sein de sa communauté, un enterrement à l'égal des autres, voire même valorisant, ces signes qu'on voulait lui permettre d'avoir dans son au-delà une vie complète. Il aurait été enterré avec des sortes de bois de serre, c'est ça ? Voilà, on lui a mis sur sa poitrine des bois de serre. Serre, un animal sacré s'il en est. C'est un animal que l'on appelle psychopompe. C'est l'animal qui emmène les âmes vers l'au-delà. C'est un animal avec une vocation universelle. Le cerf emmène les âmes des défunts. Donc on peut déjà interpréter ce geste comme étant la volonté de l'emmener à l'égal des autres dans son au-delà à lui. Alors ce qui est très important aussi, c'est que nous sommes à Nazareth, il y a 100 000 ans, où se croisent Néandertaliens et Homo sapiens sapiens. C'est une date extrêmement ancienne. C'est le début de l'apparition des sépultures. Alors oui, là on est vraiment dans une sorte de creuset hein, en Israël avec des tombes de Néandertal et d'hommes modernes qui se sont rencontrés, qui ont sans doute vécu ensemble, se sont apportés les uns les autres leur façon de faire et C'est très curieux parce que justement à Kavzay, au-delà de cette tombe extrêmement importante, on a trouvé des tombes doubles associant des enfants là aussi handicapés avec des adultes ou des très grands adolescents dans une espèce de geste d'accompagnement dans la mort, comme si tout seul ils n'étaient pas capables de se débrouiller. On les a accompagnés de quelqu'un qui pouvait les aider dans l'au-delà. Kavzay est vraiment une sorte de carrefour entre notre humanité et notre animalité la plus lointaine. Et elle se fait grâce au mariage entre Néandertal et l'homme moderne. Il y a 100 000 ans donc apparaît la pensée symbolique. Peut-on penser que nous voici face à la naissance aussi de l'altruisme ? Ah oui, sans problème. Même si les tombes de Néandertal sont plutôt rares, on en compte quelques dizaines, centaines à travers le monde, les gestes que l'on peut voir autour des restes de Néandertal nous montrent qu'il y avait une prise en charge des vivants par des communautés que l'on a longtemps pensé comme étant rudes, brutales et se débarrassant des plus vulnérables, alors que tous ces gestes d'empathie, d'altérité, nous montrent que chacun dans le groupe avait sa place. Valérie Delattre, les hommes fossiles auraient des leçons à nous donner ? Ah oui, probablement. Quand on voit les grands questionnements à l'heure actuelle concernant l'accessibilité des personnes handicapées, toutes ces lois, ces reports de lois qui ne cessent d'être prodigués par les députés, quand on voit les problèmes d'intégration, les problèmes d'inclusion des enfants à l'école, le fait que ça se passe de façon simple, naturelle, pour reprendre le terme que vous avez utilisé au début de cette émission, est plein d'enseignements. Alors, il ne faut pas dire que le passé est à prendre au pied de la lettre, mais au moins, il éclaire le présent et il nous donne quelques lignes directrices. On ne doit pas, en tout cas, en faire un âge d'or. Ah non, surtout pas. Il n'y a pas d'angélisme du tout à avoir. Il ne faut pas être béat devant le passé, mais les petites expériences, les petites données que l'on peut enregistrer forcent parfois le questionnement contemporain. Existe-t-il d'autres cas aussi anciens ou un peu plus récents que cette grotte près de Nazareth ? Bien sûr, Néandertal nous a montré différentes façons de prendre en charge les siens. Il y a une grotte près de la Turquie qui s'appelle la grotte de Shanidar. On a aussi retrouvé un individu assez âgé qui était amputé, soit de naissance, soit par un accident, et qui là aussi avait dû être pris en charge pour son quotidien par la communauté dans laquelle il vivait. On peut sortir de l'ère néandertalienne et avancer vers le néolithique. On s'aperçoit que tout un tas de personnes abîmées, avec les preuves ostéologiques d'une pathologie invalidante, sont enterrées à l'égal des autres, voire parfois valorisées. Alors Shanidar en Irak est un site important puisque c'est là où on a découvert aussi des fleurs sur une tombe. Oui, on a retrouvé, les études qui ont été faites il y a quelques dizaines d'années ont montré que sur le squelette d'un de ces Néandertaliens avait été retrouvée une couche de pollen qui a été interprétée comme étant un ultime geste affectueux, n'hésitons pas à dire le terme, par la communauté qui a souhaité peut-être enterrer son défunt avec quelque chose qui symbolisait la vie, à savoir les fleurs. Valérie Delattre, fouiller des squelettes, ne serait-ce pas approcher l'intime ? Ah si, bien sûr, on ne fouille pas des squelettes de façon anodine et mécanique. Nos gestes sont sous-tendus par une réflexion scientifique, soyons-en bien certains, c'est-à-dire qu'on applique des méthodologies qui sont parfois désincarnées ou déshumanisées, mais chaque fouille de squelette est une rencontre avec un individu, avec quelqu'un qui a vécu, qui est notre égal, qui est notre semblable, et de façon quasi systématique, on se projette dans cet individu qu'on fouille. Et le monde des morts est-il le reflet de celui des vivants ? Alors ça, c'est le grand questionnement des archéo-anthropologues. On aurait tendance à dire que oui, ce qui se passe dans la communauté des défunts se retrouve dans la communauté des morts, mais il existe des grandes variabilité, on peut faire preuve d'humilité, on peut faire preuve d'envie d'une sépulture très ostentatoire et auquel cas le mode de vie du vivant n'est pas celui que l'on va lire dans le monde des morts. Mais de façon assez générale, notamment pour les communautés les plus anciennes, celles dont on n'a pas de traces écrites, on peut penser que le monde des morts est assez proche de la façon de vivre des vivants. Les enfants ont souvent un statut à part au sein des sociétés. Il arrive parfois de les voir non intégrés dans des cimetières médiévaux, par exemple ? Il est vrai que la mortalité infantile, notamment la période d'avant le vaccin, d'avant le 18e, était accablante. Globalement, un enfant sur quatre mourait à la naissance et encore un quart avant 10 ans. Ce qui fait que dans les familles, les deuils de petits-enfants étaient extrêmement nombreux. Et donc, on a voulu voir dans ces sociétés anciennes une sorte d'économie blasée de la mort du petit-enfant. Ce n'était pas grave. Un petit enfant qui mourait, on en avait un l'année d'après. Et puis, plus on travaille sur ces petites sépultures, ces périnataux, c'est-à-dire autour de la naissance, et plus on s'aperçoit que le traitement qui leur est appliqué, de la proto-histoire comme au Moyen-Âge, est très particulier et très valorisant. Et notamment, on peut parler des sanctuaires à répit au Moyen-Âge. Il s'agit d'une pratique un petit peu déviante hein, par rapport au dogme classique, où l'on voyait les enfants non baptisés mourir de façon prématurée et des parents endeuillés et accablés ne se résignant pas à ne leur offrir que l'enfer, puisque entre paradis et enfer, les limbes pour les petits-enfants n'existaient pas encore. Et de façon assez troublante, certaines églises ont été spécifiquement dédiées à cette pratique. On emmenait les petits corps décédés sur l'autel, le prêtre attendait, faisait des messes, et on attendait que le petit corps bouge, cela pouvait mettre 48 heures, et en fait, le corps bougeait, mais en obéissant à des considérations médico-légales, hein, forcément. Et ce petit corps qui bougeait, aussitôt était baptisé, puisqu'on pensait que le souffle des dieux lui avait autorisé un répit. Et auquel cas, ce baptême in extremis lui accordait l'enterrement dans le cimetière, et auquel cas l'accès au paradis. Si c'est pas le signe que ses parents endeuillés et accablés par le chagrin faisaient tout pour offrir le paradis à leur enfant, je ne sais pas comment on peut envisager l'amour de parents. Alors comment l'enfant bougeait-il ? Un petit corps qui reste 48 heures déposé sur l'autel froid dans une église va commencer à se décomposer. C'est un petit peu sordide, mais ce sont des mécanismes classiques. Les articulations des épaules vont avoir tendance à s'affaisser, libérant ainsi les poumons et donnant un petit peu l'illusion que l'enfant se mettait à respirer. Cette pratique, elle apparaît à peu près quand ? S'achève quand d'ailleurs, alors, avec les vaccins ? Elle va perdurer jusqu'au 19e siècle de façon très sous-jacente et entre soi. C'est quelque chose qui n'a jamais été autorisé par l'Église. Toléré, mais pas autorisé. Alors, archéologiquement, on la voit apparaître autour de l'an 1000. Mais il est vraisemblable que déjà autour des baptistères du haut Moyen-Âge, on devait se livrer à ce genre de pratique. Mais là, l'archéologie doit amener des preuves que les textes ne nous permettent pas encore de révéler. Valérie Delatte, vous avez trouvé, vous, découvert de telles petites tombes ? Oui, bien sûr. Il y a quelques années, on a fouillé un château à côté de Vaux-le-Vicomte. Un château qui s'était installé sur une de ces chapelles. Et de façon quasiment comme un polaroïde, on avait dans la cour du château, à Blandy-les-Tours, une chapelle avec autour de ses murs exclusivement des sépultures de fœtus, c'est-à-dire d'enfants qui avaient été avortés prématurément, et de très très très très jeunes enfants décédés dans les premières semaines ou les premiers mois après leur naissance. Dans d'autres sociétés, souvent on trouve des enfants sous les sols des maisons aussi. Oui. Dans d'autres sociétés, y compris la proto-histoire âge du bronze, âge du fer, qu'on connaît évidemment par les textes, on voit que les petits sont mis à l'écart du cimetière communautaire, mais non pas dans un geste de relégation, mais dans un geste de protection, puisqu'on ne les fait pas sortir de la maison, de l'espace maternel et paternel où ils sont décédés. C'est vraiment quelque chose de très particulier, de très protecteur. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que mon invité est Valérie Delatte, anthropologue de terrain, qu'au travers d'exemples, nous tentons de voir si l'archéologie nous renseigne sur l'altruisme dans les sociétés passées. Le vrai exclu n'est-il pas l'indigent, la sorcière, la prostituée ? Alors, le vrai exclu dans la vie, vraisemblablement, le vrai exclu au sein de la nécropole, pas forcément. Parce qu'il est extrêmement difficile en archéologie funéraire de mettre au jour des sépultures d'exclus. Alors on pense à l'exclusion topographique, les mettre à l'écart du cimetière, comme ils ont été à l'écart de leurs vivants. Les sépultures isolées ne sont pas des sépultures d'exclus, reléguées au prétexte d'un corps différent ou au prétexte d'une fonction différente au sein du groupe. L'exclusion ou la mise à l'écart, on peut la retrouver au sein du groupe, dans le cimetière qui accueille la communauté, et elle peut se manifester par l'orientation d'un corps qui va être différente, une posture différente. Être enterré sur le ventre est souvent signe de relégation, appliqué aux prostituées ou appliqué aux gens dont les vies n'ont pas été très correctes, puisque quand on est sur le ventre, l'âme, ou quel que soit le nom auquel on donne à cette chose qui doit aller dans l'au-delà, ne peut sortir, puisqu'elle est face contre terre. Donc la relégation, on la sent plutôt au sein du groupe par des pratiques diverses. Le condamné, jusqu'à peu, était quand même relégué. Est-ce que l'on a ça aussi en archéologie ? Alors, le condamné à mort avait une place à part dans le cimetière. Il y avait le carré des condamnés à mort, mais dans l'aire sacrée, dans le cimetière. Alors, ces partitions d'individus sont difficiles à lire. On va avoir des partitions démographiques, un carré réservé aux tout-petits, mais il est très difficile de comment reconnaître une prostituée, comment reconnaître une sorcière? Alors parfois, dans des nécropoles du haut Moyen-Âge, on va trouver des femmes avec des colliers de dents ou avec des crânes de taupe. Alors on a tendance à penser que ces femmes-là devaient fricoter avec le diable, mais elles sont enterrées dans le cimetière. Le cas d'Evreux à l'époque romaine, avec des inhumés dans des positions incroyables, notamment sur le ventre, et des carcasses de chevaux, est très très particulier. C'est un cas encore très énigmatique pour les archéologues. On en parlait récemment pour les chevaux. Ah oui, tout à fait. Là, on est devant une énigme et qui pose forcément les limites de notre interprétation, puisque on peut y voir tout et son contraire. On est à la fin de l'époque de l'occupation romaine, et à Évreux, vraisemblablement dans une zone où l'on pratiquait l'écarissage de chevaux, on a trouvé des individus qui étaient enterrés avec des mises en scène assez incroyables, des enfants enterrés dans des ventres de juments, des associations d'animaux avec des sépultures humaines, quelque chose d'assez fantasmagorique et a priori effrayant. Et alors on peut très bien imaginer que ce sont des gens de peu, des esclaves, des gens relégués et mis au banc de la société qu'on a enterrés de façon déshumanisée à l'égal d'un animal. Tu ne vaux guère plus que les animaux d'écarissage. Mais on peut y voir à l'inverse, avec les mêmes arguments, les signes d'un culte particulier où l'homme et l'animal s'entremêlent dans la mort et auquel cas ces humains seraient valorisés comme étant peut-être les officiants d'un culte très particulier avec le cheval comme vecteur. Là, l'archéologue, l'archéanthropologue, l'archéozoologue échangent, mais l'interprétation est extrêmement difficile. Valérie Delattre, l'archéologie funéraire se limite-t-elle à des gestes techniques ou tout au contraire, l'individu suscite-t-il de la compassion ? Alors, compassion, c'est un mot qui est très fort, mais que moi je prends et que je valide totalement, parce que bien évidemment, notre geste professionnel est un geste technique, sous-tendu par des méthodologies scientifiques, mais comme je le disais tout à l'heure, nous allons à la rencontre de nos semblables du temps passé. Et il est évident, et je pense qu'il faut savoir aussi être perméable à ce genre d'émotion, qu'au fil d'une carrière d'anthropologue, certaines sépultures, certains individus laissent un souvenir pour des raisons personnel ou pour des raisons totalement objectives. J'ai souvenir d'avoir fouillé un petit enfant néolithique, donc quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, qui était perclus de fractures. Et en le fouillant, j'avais vraiment l'impression d'un enfant martyr à l'égal de ceux dont on entend parler parfois dans la presse. Et j'étais extrêmement embarrassée, extrêmement en empathie avec cet enfant dont j'imaginais les souffrances. Mais cette émotion ne m'empêchait pas de travailler de façon rigoureuse et sérieuse, mais j'ai accepté de me laisser envahir par cette émotion. Jean Leclerc le disait très bien, une archéologie du geste dont l'ambition est d'être une archéologie du sentiment. Il s'agit donc d'une sorte de rencontre ? Ah bien sûr, à chaque fois nous faisons des rencontres. Quand on est archéologue ou qu'on est anthropologue, on essaye de connaître le passé, notre passé ou le passé de l'autre qui nous intéresse de la même manière. Et aller à la rencontre des humains, fouiller des sépultures, c'est être en témoignage direct avec eux. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on rencontre son semblable et forcément, dans une tombe, il y a bien évidemment tout ce qui relève des codes de la liturgie, de la religieux. Et il y a l'humain, il y a toujours le geste d'une maman qui va déposer un collier, qui n'a rien de religieux, le geste des vivants qui vont déposer des objets, qui vont agencer un corps de façon spécifique, et bien évidemment qu'on est au cœur du sentiment. Les anthropologues de terrain sont-ils des médecins des défunts? Vos recherches portent bien sûr beaucoup sur le handicap. Premier cas, la maladie de Paget. Alors, nous ne sommes pas des médecins, nous pouvons diagnostiquer le fait que quelque chose ne va pas dans une anatomie classique. À côté de nous, une autre discipline prend place, la paléo-anthropologie, qui peut émettre des diagnostics a posteriori. Alors, nous pouvons leur apporter à ces collègues des squelettes qui ne sont pas standards, notamment, comme vous le dites, cette maladie de Paget, qui est une déformation de la corticale de l'os, c'est-à-dire que l'os a tendance à s'épaissir, à devenir comme de la pierre et à gêner la marche des individus, qui peuvent devenir sourds aussi. Enfin, c'est vraiment une mutation de l'os qui est particulièrement invalidante. Et on en trouve plusieurs cas. En Ile-de-France, à Achères, en Yvelines, on a trouvé un individu qui avait été enterré avec les siens et qui avait dû être pris en charge également parce qu'il souffrait de cette maladie très, très invalidante pour le coup. La poliomyélite a aussi atteint des sociétés passées, notamment à Marseille. Oui, alors on la trouve à Marseille, dans une abbaye Saint-Victor. L'une des personnes qui a été enterrée dans un sarcophage était atteinte de poliomyélite, mais la poliomyélite est connue depuis l'Égypte ancienne. On voit des gens avec des membres atrophiés, figurés sur des stèles avec des béquilles, sur des stèles funéraires. Donc on sait pertinemment que cette pathologie est très ancienne et date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Et en Corse, une femme aurait été atteinte aussi de cette polio? Oui, alors c'est la dame de Bonifacio. Donc c'est plutôt une sorte de paralysie ulnaire, c'est-à-dire qu'elle avait un avant-bras atrophié qui lui occasionnait une paralysie évidente. Philippe II de Macédoine, père bien sûr d'Alexandre le Grand, aura été atteint d'infirmité, preuve que toutes les couches de la société sont concernées. Bien sûr, tout à l'heure vous parliez d'indigents, de prostituées et de magiciens. Le handicap touche de façon allégale toutes les couches de la société. Arégonde, la grande reine mérovingienne dont on a retrouvé les restes dans la basilique Saint-Denis, était atteinte de poliomyélite pour le coup. Et le père d'Alexandre le Grand souffrait d'une claudication très très importante. Il boitait et les cnémides, c'est-à-dire les ornements en métal qu'il mettait en tant que grand guerrier sur ses mollets, ont été adaptés à sa claudication et on les a retrouvés dans la tombe qui a été fouillée. Évoquons cette très belle fouille réalisée dans un hôpital, celui d'Avicenne à Bobigny. Alors, Avicenne, c'est un des plus grands cimetières gaulois que l'on ait retrouvé ces dernières années, avec plusieurs centaines de sépultures. Et on a découvert la tombe d'une vieille gauloise qui souffrait d'une spondylarthrite ankylosante, c'est-à-dire qu'elle était totalement paralysée avec les membres inférieurs atrophiés et l'os qui était extrêmement abîmé, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Et de façon très curieuse, dans sa tombe, on a retrouvé un appareillage, on va dire, compensatoire, pour utiliser des termes très contemporains, qui avait dû lui être fabriqué par le forgeron, qui avait dû regarder sa pathologie et lui fabriquer une espèce de tige rigide qui la maintenait droite, qui était installée dans son dos, maintenue par des courroies, et qui lui permettait d'avoir une stature assise, puisqu'elle avait, de par sa pathologie, tendance à s'affaisser. Et c'est là où on voit le pragmatisme et l'empathie, l'altérité, l'altruisme dont vous parliez, puisque cet appareil ne vaut que pour elle, on n'en a retrouvé aucun autre, et il lui est adapté strictement et fabriqué par sa communauté. On peut parler d'une machine inconnue? Ah bien sûr, c'est un appareillage qui ne vaut que pour elle et qu'on a retrouvé nulle part ailleurs. Alors j'imagine que des corsets ou des appareils pour se maintenir droit ont dû être inventés par la suite et démultipliés au 19e et au 20e siècle. Mais alors pour l'époque gauloise, c'est vraiment un cas unique. Donc c'est bien sûr une preuve de l'innovation celtique, mais c'est aussi la preuve de l'intimité de l'objet de la défunte. Bien sûr, puisqu'on ne l'a pas séparé dans la mort, on lui a laissé cet appareillage tellement il faisait partie d'elle, tellement il était son identité propre, qu'il n'a pas été utile de l'enlever. Et pourquoi faire, puisqu'il était à elle, il était elle-même. Alors, ce chantier de l'hôpital de Bobigny est un peu particulier puisque les archéologues, les anthropologues fouillaient au cœur d'un milieu hospitalier avec bien sûr médecins, mais aussi malades, familles venant voir les malades. Alors c'était très troublant, cette proximité entre le monde des morts, alors un monde des morts très ancien, et le monde des vivants, les vivants qui vont bien et les vivants qui ne vont pas bien, y compris les vivants en fin de vie. Donc c'était une atmosphère extrêmement particulière, mais extrêmement joyeuse, contrairement à ce que l'on pourrait croire, puisque les malades étaient extrêmement intéressés par ce qu'ils se faisaient. Je pense que la distance dans le temps a beaucoup joué, c'est-à-dire que les Gaulois... quelque chose de très lointain, on se sent peut-être moins de proximité. Et les malades étaient extrêmement passionnés par ce qu'ils faisaient, au point que des visites régulières étaient faites pour les intégrer au processus de fouille. C'est la même chose que l'on ressent quand on fouille dans une église, encore en exercice, ou dans le cimetière d'une église qui fonctionne, et où l'on est parfois confronté à une fouille de semaine. Un mariage ou un enterrement, on interrompt la fouille et on est vraiment en prise directe, vivant et mort qui se mélangent. C'est très troublant, mais c'est riche d'enseignements. Valérie Delattre, il y a aussi le site de Cutry, un site mérovingien. Alors, Cutry, c'est aussi quelque chose de très particulier. C'est un petit peu semblable à ce qui a été trouvé à Bobigny, dans l'hôpital Avicenne, puisqu'on a la sépulture d'un brave gaillard mérovingien qui était amputé des deux avant-bras. Alors, il faut imaginer au 7e siècle ce que cela pouvait être d'être amputé des deux avant-bras quand on est dans des régions où l'agriculture est la seule fonction que l'on peut avoir. Eh bien, dans la tombe de cet individu, on a retrouvé une prothèse extrêmement ingénieuse, puisqu'il s'agit d'une espèce de broche plate, bifide, avec des courroies en cuir, des boucles qu'on a dû récupérer qui sur une boucle de ceinture ou sur une ceinture. Et on a essayé de bricoler une espèce de prothèse d'avant-bras improbable, faite là aussi par le forgeron, l'artisan du coin, et qui permettait à cet individu de lui offrir une certaine autonomie, ne serait-ce que pour piquer des aliments et se nourrir tout seul. L'altruisme, là, est pleinement en marche. Vous êtes au courant des découvertes de Brive-la-Gaillarde? Oui, alors c'est la sépulture d'un bossu qui a été mise au jour récemment et qui fait écho à d'autres sépultures de sujets bossus que l'on retrouve aussi bien en proto-histoire qu'à l'époque médiévale. Les tombes sont-elles adaptées au handicap? Alors c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que, en règle générale, sauf dans les périodes les plus anciennes de la préhistoire, sont enterrés les défunts sur le dos. Et bien évidemment, le bossu, il est difficile de l'enterrer sur le dos au vu de sa bosse proéminente. Et bien on s'aperçoit que, en dépit, au mépris, je dirais, des prescriptions liturgiques, et bien les parents, les vivants vont s'arranger pour offrir la sépulture en accord avec leur liturgie, mais en aménageant le corps et la tombe. S'il existe des marginalisations, il existe aussi des intégrations. Au-delà de l'altruisme, il y a aussi tout simplement de l'amour. Ah, sans nul doute. L'amour, on l'a vu tout à l'heure, des parents envers un petit enfant décédé sans baptême. Le baptême étant le plus beau cadeau que des parents pauvres puissent offrir à un enfant. Il y a des formes d'affection quand on prend soin d'une personne handicapée. Et je pense que ce sont des mots forts, émotion, amour, affection, dont il ne faut pas faire l'économie, même si l'on est très scientifique et très rigoureux méthodologiquement. Valérie Delattre, merci beaucoup. Et puis, rappelons qu'il y a aussi le cas de Louise de Quingot, inhumée avec le cœur de son mari. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Monteil, et toujours avec la collaboration de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacrera au Maroc médiéval.